Une navette qui va dans le passé, un vilain sénateur et Jean-Claude Van Damme, cette semaine on a maté Time Cop et on en parle tout de suite. Alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonjour et bienvenue dans 2 heures de perdu, aujourd'hui consacré à un chef-d'œuvre du cinéma, j'ai nommé Time Cop. Time Cop, un film de Peter Hyams, réalisé en 1994 par Peter Hyams, je viens de le dire. Produit par Sam Raimi, on s'en fout un petit peu, avec Jean-Claude Van Damme, Mia Sara et Ron Silver. Aujourd'hui, je suis pas d'accord sur on s'en fout, c'est Sam Raimi qui a produit tout, c'est quand même fou. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Mickaël, déjà une question. Time Cop, chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Moi, je croyais que c'était Terrence Malick qui avait réalisé ça. Tu vois, je suis surpris que ce soit Peter Hyams. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a réalisé, Peter Hyams. Je suis allé voir sur le Wikipédia aujourd'hui. Non. Eh ben, pas grand-chose. Okay. Enfin, pas grand-chose de bien. Personne va nous dire bonjour. Pour en parler encore ce soir avec nous, Barbara, une question tout de suite. Jean-Claude Van Damme, bon acteur ou pas bon acteur? Bonjour. Excellent acteur. Bah, ça fait plaisir. Et enfin, notre expert de théoricien du voyage temporel, j'ai nommé Antoine. Doc, Antoine, je serai consultant sur ce film. Antoine, une question tout de suite. Bonjour Greg. Bonjour. Ça va très bien, merci. Moi aussi, ça va bien, pas ça, Antoine. En fait, t'en as rien à foutre de nos sentiments. Bah, réponds-moi, je pose une question, c'est une introduction. Jean-Claude Van Damme est un bon acteur. Non, c'était pas ça ma question. Ah. C'était cohérent ou pas cohérent au niveau de la ligne du temps? Ah, on est presque cohérent. Il y a quelques, j'ai noté quelques petits défauts, je vais revenir avec vous. Moi, je suis un petit peu déçu. Non, c'est l'enfer. Ok, et ben, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous propose de écouter la bande-annonce. In the year 2004, time travel is a reality. You are charged with violations of TEC code 40.8, time travel with intent to alter the future. And a crime. It turns out going back in time is a pretty easy way to make money. I think you got yourself a shipment of gold and you're taking to General Lee. The genie is already out of the bottle. The technology is there. Now. Bon, c'est l'enfer, hein, on peut arrêter. J'ai juste une petite question, la bande-annonce, tu l'as pas trouvé en turc, non? On a cherché, hein, pourtant. Hein. Donc voilà, Time Cop s'ouvre sur le générique le plus long de l'histoire, mais avant ça, on va résumer l'histoire. Qui est-ce qui nous fait ça? Oh, pas moi, pour une fois. Moi, je veux bien... Antoine. Ah. Allons-y. Alors, plot, c'est très simple. Enfin, non, c'est pas simple, justement. Non. C'est, je vais vous expliquer que c'est pas simple. C'est un Van Damme, quand même. C'est... Van Damme. Ouais. En gros, le film, c'est un Van Damme qui est le flic du temps. C'est le titre français, c'est ça, d'ailleurs. C'est Time Cop, donc. Le flic du temps, Time Cop, c'est ça, la traduction. Donc, son objectif, c'est de protéger le voyage dans le temps. Parce qu'il y a des gens qui font du voyage dans le temps. Faut dire qu'on est en 2004, qu'on vient de découvrir la machine à remonter le temps. Commence par la fin, la rigueur. Raconte-le à l'envers. La fusée qui remonte le temps. Et alors, en fait, le plot du film est particulièrement con, puisqu'en fait, le voyage dans le temps existe et est disponible, et les gens ne s'en servent que pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'il est là pour éviter que des gens volent de l'argent dans le passé. À un moment, il mentionne quand même d'aller tuer Hitler, mais en fait, ils ont moins un scoop. Après, il a un argument, il dit, mais si ça va avoir des conséquences dramatiques. si tu veux, c'est ton point de vue en même temps. Prendre l'argent de la crise de 29, c'est pas dramatique. ça n'a pas d'influence sur le futur, quoi. Donc, ce qui se passe. C'est une personne mal intentionnée qui fait ça, on va expliquer ça. En gros, en 1994, la femme de Jean-Claude Van Damme se fait tuer dans un accident inexpliqué puisque sa maison explose, sans raison. C'est pas parce qu'elle a oublié d'éteindre le gaz. Il y avait quand même 2-3 méchants qui étaient là pour l'aider. Oui, mais on sait pas pourquoi ils sont là. Ensuite, on se retrouve en 2004, où là, Jean-Claude Van Damme est policier du temps, il a l'habitude de remonter dans le temps. Et là, il va falloir arrêter le méchant sénateur McComb qui menace de devenir président parce qu'il fait que aller dans le temps pour se faire du pognon. Pour financer sa campagne électorale. Alors, il peut pas retourner dans le temps pour être président. Non, il va dans le temps pour avoir de l'argent pour devenir président. Il peut pas aller dans le futur, il peut aller que dans le passé. Ah oui, on peut pas aller dans le futur. Oui, on peut pas aller dans le futur. Bah non, ça s'est pas passé. Ah oui. C'est logique. Bon, ça fait plaisir au moins on voit que t'as pas suivi. Ouais, mais je voudrais demander aux auditeurs s'ils ont compris ce que Antoine vient de raconter. Si vous avez compris, appelez-nous. Ouais, déjà, je pense que Jean-Claude. Antoine, en tout cas, il a pas compris. Je pense que Jean-Claude Van Damme lui-même n'a pas compris le scénario. Il l'a pas vu, je crois. Il m'a volé ma vanne sans fin. C'est vrai qu'il a dit ça. Mais Donc introduction du film, moi déjà je me régale en fait parce que il y a un générique qui dure 2 minutes 25 Tu l'as chronométré. Ouais. C'est fluo. écran noir, les noms apparaissent. Alors t'as le nom du mec qui s'est chargé de faire le casting, monter les trucs, le chef électricien. Pour une fois que je passe en vitesse sur un truc, bam, vous en parlez quoi. D'habitude, je regarde. Le générique tout. Où il se passe. Ouais, mais il se passe rien, hein, mais c'est très, c'est très juste des noms qui apparaissent. C'était long là. Ouais. C'était très très long. C'est très très long et après ça s'ouvre sur. Ça fait les deux tiers du film. Première scène pour bien donner le ton du film. On va direct dans le passé. On est en 1863. Et là, il y a une scène d'anthologie où il y a un mec à qui il manque une dent, mais ça se voit vraiment. C'est du maquillage. Et là, dès le début, je me suis dit générique plus gars à qui on manque une dent plus pistolet laser. Je me suis dit oulala. En fait, il faut quand même juste expliquer la scène parce que en fait, c'est pendant la guerre de sécession. Il y a des sudistes qui transportent un trésor. Et il y a un mec au milieu du chemin qui leur dit bah le trésor, vous allez me le donner. Ils disent non. Et en fait, ils sortent deux pistolets mitrailleurs énormes. Déjà, au début du film, on comprend que c'est pas un film d'auteur, hein, déjà. Ça débute le ton, quoi. Les pistolets, ils sont super vénères. Genre, il y a visée laser et tout. Ça sert à rien, tu vois. On comprend qu'il vient du futur. Et surtout, pourquoi il s'est maquillé une fausse dent? Puisque, de toute façon, il a des putains de mitrailleuses, quoi. Ouais. Probablement un hockeyeur, je ne sais pas. Voilà. Donc après cette petite scène hein, qui nous met bien dans l'ambiance, qui nous plaît bien. Hein. Ouais. Moi franchement j'étais content déjà après ça. Hein. Et ben t'as un espèce de petit pitch pour du voyage dans le temps. Ouais. Ouais. C'est là qui nous explique que on peut pas aller dans le futur. Mais on peut aller dans le passé. Mais d'ailleurs, dans cette scène, ce qui est marrant. C'est le bureau du président, c'est ça? Ouais, on est au Sénat ou je sais pas où. Ouais. C'est des êtres humains normaux. Et le gars il arrive, il lui dit bon gentlemen, maintenant faut que je vous dise le voyage dans le temps c'est possible et tout. Et personne ne dit rien. Ils sont là. Ah ouais? Ouais, je sais pas si on va financer. Hein. Tu vois, la question est si on finance ou pas. C'est-à-dire, personne fait. Okay. Non, mais la question, c'est pas de financer le voyage dans le temps ou pas. C'est de financer une police qui surveille le voyage dans le temps. C'est ça. Mais c'est-à-dire, qui d'autre a une machine, en fait? Enfin, tu vois, c'est ça qui est débile, c'est que le postulat, c'est que comme on disait, c'est que tu peux aller que dans le passé, mais c'est-à-dire que les gens du futur viennent pas dans le passé, eux, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi, c'est complètement absurde, quoi. Oui, c'est vrai. Oh, belle remarque. Oui. Non, mais après, on va pas s'attarder à mort sur le voyage en temps, parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va dans le passé, qu'on modifie un truc, on modifie le temps présent, donc à chaque fois, quand ils retournent dans le futur, normalement, c'est plus le même. Et là, à chaque fois, il va retourner dans des futurs qui sont sensiblement différents, mais quand même un peu pareil, quoi. Ouais. Ouais, si, sur la fin, ça change radicalement et très rapidement. Hein. Ouais. Et après, t'as la présentation de Jean-Claude. De Jean-Claude Van Damme. Cette scène, je pense que c'est la meilleure. Ça se passe dans un centre commercial. Mais parle-en bien parce que je trouve vraiment que c'est la meilleure scène. Always in Time. J'ai adoré. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est un Jean-Claude Van Damme, on est sûr, parce que il arrête un mec en roller. Avec juste son pied en l'air pendant 3 secondes. Ouais, alors faut expliquer. C'est juste attends, explique, c'est pas juste un pied en l'air, c'est un espèce de. Non, mais en fait, high kick, il rejoint sa copine dans un centre commercial, et en fait, à un moment, il veut dire attends-moi 2 minutes. Et il voit un espèce de pirate à roller. Mais le mec, il est trop cheap en fait. Et en fait, avant même qu'il vole un sac à main, il sait qu'il va voler un sac à main. T'as vu? Parce qu'il se barre en fait avant que le mec vole le sac à main. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il tend juste le pied. À hauteur du visage du mec, et c'est, je pense, la semelle la plus terrifiante de l'histoire du cinéma parce que le mec lui dit bah non, je te rends le sac quoi. Et il lui dit qu'est-ce qu'il y a écrit sur ma semelle? Quelle vanne. D'ailleurs, il dit, Wolverine, non, mais il faut expliquer cette vanne parce que c'est la meilleure du film quoi. Et après, il lui dit non, lis entre les lignes. Et le gars, il dit ok, il faut que je m'en aille. Ouais, t'as tout compris. Et c'est tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'on note aussi que Jean-Claude Van Damme, il a juste un énorme blouson Scott, les mains se retrouvent. Il a été gay, mais on dirait son rôle dans Street Fighter après, quoi. Tu vois, ce genre de gars, il est. Non, mais attends, j'ai pas vu Street Fighter. Non, mais c'est ça. Il a la même costumière à chaque film. Non, mais c'est un gros faf, quoi. Mais il a des grosses Doc Martens et tout. En vrai, il fait trop flipper, quoi. Alors que c'est un flic dans l'histoire. Et donc après la scène qui va faire dérouler tout le film, une scène où on ne comprend rien. Scène de cul, on la comprend. Voilà, hein, ce qui est marrant, c'est que le film est à peine commencé depuis 2 minutes 30 qu'il y a déjà une scène de cul. Moi ça me rappelle, tu sais, moi ce film il m'a rappelé Hollywood Night. Je sais pas si vous regardiez quand vous étiez jeune, ça passait le samedi soir. C'était des téléfilms américains. Moi j'avais peur, je regardais pas. Bah dans Hollywood Night, il y avait toujours la scène de cul. Et là, elle arrive direct. Et on voit le cul de Jean-Claude Van Damme, ce qui fait un peu chier. T'as la musique de Boulard, il y a les petites bougies d'allumées, c'est crépuscule, c'est vraiment hyper cliché, quoi. C'est le seul moment où cette maison a l'air un peu chatoyante parce que tout le reste du film t'as pas dit ton. En même temps, je la trouve un peu crade cette scène, quoi. Je la vois pas dans Titanic, par exemple. Il y a aucune scène de ce film que je vois dans Titanic. Moi aussi, avec la petite navette, là, ça pourrait le faire. Hein. Donc voilà, et après arrive le moment charnière, l'attaque de la maison. Je sais pas. Ah, bon, alors, faut savoir que les deux tueurs étaient déjà dans le centre commercial, ce qui est pas particulièrement discret. Ils suivaient déjà Vandamme au centre commercial. Et là, ils redébarquent. D'ailleurs, ils disparaissent avec un petit bruit de chime, genre. Ah bon, j'ai pas noté. Surtout, on a vraiment l'impression qu'ils sortent d'un asile. Ils ont l'air complètement débiles. Ils sont moches. En tout cas, ils sortent pas de chez le coiffeur. Non mais en plus, c'est vraiment les méchants du futur. Les méchants, ils sont ultra méchants. C'est-à-dire que même quand ils tapent, ça fait plus de bruit que la moyenne, et je pense qu'ils sont sourds avant les autres, quoi, parce que c'est franchement incroyable, quoi, c'est Formal. Surdimensionné ces sons là, quoi. Donc ils font péter la baraque de Jean-Claude Van Damme, voilà, avec sa femme à l'intérieur, lui à l'extérieur, donc il survit. Ouais. Ah non, mais dans ce film, Jean-Claude Van Damme est le mec qui a le plus de chance au monde. Il a un gilet pare-balles quand il faut. Et il a perdu sa femme, quand même. Oui, il a perdu sa femme. En termes de chance. Et donc quelques années après, il intègre la police du temps. Voilà, alors, ce qui était déjà en question à ce moment-là. Oui, il venait d'être embauché au moment où sa femme meurt, en fait. Et là, direct, premier voyage dans le temps. Ouais, ça commence. Ça commence avec un premier voyage dans le temps. Ta-da-da-da, on arrive en 1929. Et là, il y a des mecs qui spéculent. Et là, c'est assez drôle. Il y a déjà un mec sur le pavé qui vient de se suicider. Ouais, voilà, pour bien faire comprendre que c'est chaud. Que c'est le crack de 29. Il y a un mec qui arrive, donc on sait pas qui c'est. On a l'impression qu'il a l'air joyeux. Et tout le monde le connaît. Bonjour, monsieur McCoy. Ouais, c'est vrai. Voilà, il a son bureau. Ça fait déjà 10 ans qu'il est là. Non, mais c'est ça, ça fait 15 ans qu'il est là, le mec. Tu vois, tout le monde le connaît. Même comment il se fait embaucher, quoi, tu vois. Genre, t'arrives en 1929, les gens, ils parlent pas comme toi. C'est vraiment chaud. Sauf que le mec, à la base, il est policier du temps, tu vois. Je pense qu'il y connaît rien à Wall Street et tout. Il arrive, il fait wow. Et là, tout le monde le connaît, monsieur McCoy, machin. Il a son bureau. Et il fait tout un truc avec le USA Today. Alors, en fait, déjà, il y a quand même un truc formidable, c'est que, on va le voir, il va éteindre la radio qui passe du vieux jazz des années 30. Et il va mettre un casque, un Walkman où il écoute du hard rock pour bien qu'on comprenne qu'il est du futur. Ouais, ce qui n'est pas du tout flag d'ailleurs. Quoi, oui, voilà, c'est ça. Parce que si quelqu'un rentre dans son bureau, on se dit mais qu'est-ce que tu fais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as sur les oreilles? D'ailleurs, il va vite se faire choper parce que papapam, qu'est-ce qui arrive d'un coup? Eh ben, avec Claude Van Damme. Avec son gros mulet en faisant une faille spatio-temporelle. Et eh ben, c'est notre ami Van Damme et ça, c'est une belle entrée, franchement. Moi, encore une fois, là, j'étais super, super content. Et donc la Van Damme, il arrive, il fait son petit show pour essayer d'arrêter le gars. Ah oui, déjà le gars, il s'explique, il lui dit non mais attends, on est en Amérique, il y a plein d'opportunités. Oui, c'est la bonne excuse, tu sais. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, il va acheter des actions d'une entreprise qui vient de se casser la gueule au moment du crack de 29, parce que cette entreprise va valoir les actions de cette entreprise vont valoir très cher en 2004. Donc c'est un subterfuge pour se faire du pognon. Putain, mais t'as bien compris ce film. Je l'ai regardé 6 fois. D'affilée. Et là ensuite il y a un petit combat. Alors là c'est bon, c'est deux mecs, c'est des bidons, tu vois, c'est deux petits mecs de 1929. Jean-Claude Van Damme, il va se battre avec eux. Je sais pas si vous avez vu, mais dès qu'ils mettent des coups, ça fait ils sont ultra vénères. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, il arrive à vaincre les deux mecs et il plaque donc le type qui a fait le voyage dans le temps en lui disant écoute, tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. Le mec dit non, parce que je peux rien dire parce que sinon il va retrouver ma famille, il va me tuer. Mais c'est Macomb qui m'a envoyé pour financer sa campagne électorale. Ouais, il va devenir président. Il va devenir président. Donc c'est ça le pitch du film, c'est que le mec, en gros, il a embauché des types pour qu'il lui rapporte du pognon dans le temps présent en allant dans le passé pour qu'il devienne président. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf, d'autant plus qu'il... Globalement, c'est pas ouf, même, finalement. Et du coup, donc, il saute par la fenêtre, le mec tombe, Jean-Claude Van Damme. Les effets spéciaux des années 90, c'est... Des années 60, même, je crois. Ouais, là, franchement, même les vieux James Bond, c'est plus cool. Et Jean-Claude Van Damme saute avec lui par la fenêtre pour retourner dans le temps présent. Voilà, il revient dans le temps présent, ouais. Et donc ils reviennent dans le temps présent et là encore une fois c'est super austère, hein, comme toujours dans la science-fiction, quoi. Ouais. Donc on sait que c'est le grand méchant du film, c'est Macomb, quoi, c'est le sénateur. Le sénateur. Ouais. Et là dès le début, est-ce que quelqu'un peut me parler de la confrontation la première fois que Van Damme voit Macomb et qui se parle un petit peu, quoi, parce que ça c'est franchement anthologique. Ah oui, mais ouais. C'est en gros en une seconde, tu sais pas comment, mais Macomb il sait que c'est Jean-Claude Van Damme qui va le faire chier pendant tout le film. Ouais. Et Van Damme il fait et du coup il y a un faux truc entre les deux, genre personne n'est censé sentir ce qui se passe, mais c'est plus que sous-entendu. Le pire c'est que tu sais, ils annoncent leur jeu directement. Ok, je sais que c'est toi tu sais que c'est moi, donc on va se regarder et on va voir ce qui va se passer. Attends, juste, est-ce qu'on peut dire que le gars de 1929 revient dans le futur Ah ouais, mais et en gros, bah ouais, il pourrait témoigner contre Macomb. Non, parce qu'il passe devant un tribunal et comme il a fait une connerie, attention, ça pardonne pas. On est en 2004, une connerie, c'est bam, sentence de mort immédiate. Et tu vois, au lieu de l'incinérer direct ou de faire un truc, on va le renvoyer en 29 pour qu'il tombe de la tour. Ouais. Le truc hyper compliqué, qui doit sans doute coûter un vaisseau. Parce qu'après, on va revenir sur les méthodes pour aller dans le temps. Ouais. Donc notre ami Van Damme, bah il est en 2004 et puis bon, après cette petite scène de mort, bah lui il retourne chez lui. Bah, Van Damme, après une dure journée. Ouais. Il va pas bien quoi. Il va pas bien. Ah bah il arrive chez lui, ouais. Et il se met directement une cassette. Là, je t'allais dire une caisse parce qu'il boit du whisky aussi. Ah, il boit du whisky ouais. Et il se met une cassette pour revoir sa femme et il la connaît. Tu te rends compte la vie de merde, il regarde cette cassette en boucle en buvant du whisky. Tu vois. Il dit les textes, enfin il dit les répliques au mot près en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est pas ça. C'est un futur, il fait toujours nuit. Donc dès qu'on est en 2004, il fait nuit dans ce film. Donc là il fait nuit, il met sa cassette de merde et là c'est ding dong visite du chinois. Ouais. Ah, bah là, il y a une deuxième scène de castagne qui est quand même géniale. On comprend que McComb envoie deux mecs pour le buter. Ouais. Et moi, il y a un truc qui me fait mourir de rire dans cette scène, c'est qu'en non, fait. Non, tu peux. Oui, enfin, oui. Ouais, non, mais. En fait, les deux mecs arrivent, ils sont armés de couteaux. Jean-Claude Van Damme se prépare et d'un seul coup, il jette un coup d'œil sur le plan de travail de sa cuisine et il voit un oignon coupé en deux avec un couteau. C'est-à-dire que le mec. Ah, je l'avais laissé hier. Ouais, le mec, il s'est dit la veille, tu vois, je vais me couper un petit oignon puis je vais me coucher. Qui coupe juste l'oignon. Ah non, je vais pas le mettre dedans finalement, ça va être trop lourd. Ça va être tombé pissé. Voilà, il y a le super final, hein, forcément, c'est un Van Damme, donc on ne pouvait pas y avoir une scène de castagne sans enfin, un grand écart sur la cuisine. Quoi, ouais. Tu vois, on bah alors, pas bah, c'est, quoi, c'est ça, donc il ouais. Y a de la flotte par terre parce qu'il y a une bouilloire qui s'est renversée. Non, alors, non, bah alors justement, attends, c'est ça qui est très drôle. En fait, c'est une bonbonne d'eau, tu sais, de distributeur. Mais ouais. Qui a ça chez lui? Qui a ça chez lui? Alors tout le monde a un robinet avec un évier, quoi. Alors, c'est les bonbonnes d'eau des distributeurs d'entreprise. Avec les gobelets en plastique, le mec a ça dans son salon. Non, mais souvent, il en ramène deux comme ça pour. Seulement sur quoi, tu vois, j'ai plus d'eau, faut que je ramène mes bidons. Le truc se renverse, il y a de l'eau partout par terre. Il y a un méchant, lui, il a pas un couteau, il a un taser où ça envoie un petit truc avec deux fils. Ouais. Il a peut-être, ça fait un mètre de distance, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Il a une visée laser. Ça envoie à un mètre. Il a un truc pour s'aider à viser, quoi. Ah merde! Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il fait un premier tir qui rate. Il y a toute l'eau par terre. Et là, Jean-Claude Van Damme, il a une idée. En gros, il jette le taser au sol. Et là, il va se jeter en l'air. Il va faire un double grand écart parfait. Ouais. Il a un pied sur chacune de ses étagères de cuisine. Ouais. Et hop, l'électricité partout dans l'appart, le mec s'enflamme. C'est fabuleux, quoi. C'est vraiment dingue, fallait y penser. Apparemment, en plus, il l'a fait pour de vrai. Hein. Bah, il fait toutes ses cassettes pour de vrai. Je crois. Hein. Ouais. Tous ses grands écarts, ils sont pour de vrai. Et il y a un truc qui m'a renseigné dans cette scène, c'est qu'au moment où, évidemment, il flingue tous les deux mecs, t'as les vrais flics qui arrivent. Et donc tu les vois monter l'escalier dans l'immeuble, et là il y a un gars qui passe à travers la porte de Van Damme, tu sais, genre fin de baston. Mais il y avait juste deux gars, il vient de les tuer, tu vois. C'est-à-dire qu'après il a fait genre ah je suis vénère. Il jette le gars à travers la porte quoi. En même temps il dit ils ont foutu du bordel chez moi, il était pas content. Ouais, ça c'était la petite vanne de Van Damme. Et donc après bon il continue son boulot. Hein, ouais il... mais on apprend qu'une flic de la police des polices doit le surveiller en fait. Ah ouais. La blague. Ouais, voilà. Toi, t'avais coupé le film à ce moment-là. Greg, non, mais en fait, moi, j'ai un gros problème avec ce film, c'est qu'au bout d'un moment, bah, je comprends plus rien, quoi, tu vois. Ah ouais? Enfin, ah non, je te jure. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc là, il y a bien quelqu'un. Moi, j'avais lu le bouquin. Ah, mais voilà, moi, je vous avoue que j'ai maté le documentaire de 2h30 après, sur toute l'explication que j'entends dans ce film. Non, mais en fait, c'est un peu tocard parce qu'il y a plein de trucs qui marchent pas, du coup. Non, ça marche, hein. Il y a des trucs qui marchent, faut être plus attentif. Ça marche. Là après, on introduit vraiment le voyage dans le temps là. Ah là, bah il y a deuxième voyage dans le temps. Et là, j'aimerais qu'on en parle parce que là, on va le voir aller dans le passé. Ah, ça c'est fabuleux. Oui. On va voir avec la flic justement qui doit le surveiller. Ça c'est fabuleux. Il y a déjà juste le avant de parler de la méthode, il y a le gars qui s'en occupe. Dans tous les films, t'as le gars, le geek, donc ouais. Le mec cheveux longs, crade avec des lunettes, qui se branle au taf. Le mec, ils ont ses taffés. Deuxième scène de cul inutile. Il a un espèce d'oculus sur la gueule, et là, il mate des trucs de cul, et il fait « Ah putain, vous êtes là !» Bah en fait, mec, t'es juste au bureau. Il y a des espèces de trucs, tu sais, genre... métal ardent là, comment c'est le métal hurlant là, tu sais, avec des espèces de vieilles gonzesses en métal avec des gros seins à côté de son PC, enfin c'est vraiment cliché. D'ailleurs dans toutes leurs bases sur les écrans, il y a n'importe quoi. Ah ouais, j'ai pas fait ça. Il y a toujours des courbes qui vont dans tous les sens, il y a rien d'écrit. Oui, comme d'hab, les courbes qui font bip bip. Est-ce que vous avez remarqué que Jean-Claude Van Damme ne s'assied jamais sur une chaise? Non, soit il fait un grand écart, soit il est debout. Sur son bureau, il s'assied sur le bureau. Ça, c'est des hémorroïdes, c'est pour ça. En fait, il a pas de rotule, il peut pas plier les jambes. Il fait un grand écart. En fait, c'est la position repos, c'est allongé ou grand écart. Et donc ouais, après il rentre dans cette fameuse machine à remonter dans le temps qui est fabuleuse quoi, mais fallait qui l'inventer cette quand machine même, quoi. Beaucoup à celle de au design de celle de Retour vers le futur. Ah bon? Ah bon? Ah oui, d'accord. Bah là c'est une fusée en fait, ça n'a rien à voir. C'est une navette avec un petit rail. Tu parles de sa voiture? Non, parce que sa voiture ressemble un peu à la DeLorean. Oui, non, sa voiture c'est une Safrane en plastique avec une poubelle dessus sans pare-brise. Sans pare-brise. Elles sont dégueulasses leurs bagnoles. Les bagnoles elles sont incroyables. Mais en gros, le vaisseau, il monte dedans. Il n'y a pas de casque, pas de ceinture, il n'y a aucune préparation. Ils montent dedans, compte à rebours direct, et ils vont s'écraser contre un mur. Oui, en plus, ils ont mis un mur. Ils s'écrasent contre un mur. Moi, j'ai vu, ça m'a fait marrer. Jean-Claude Van Damme, il est dedans, il a le même blouson Scott qu'au début du film, quoi. Ouais. Il est là, tranquille, il fait. Il n'y a pas de volant, il n'y a rien, en fait. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, justement, navette à remonter dans le temps? Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand ils font la vitesse, là, ils passent de l'autre côté, et le petit chariot, il est plus là, tu vois. C'est-à-dire qu'il passe en dehors du petit chariot. Tu sais, la navette. Et après, quand ils reviennent, je sais plus comment ils déclenchent le truc en appuyant sur un bouton, et comme par magie, ils reviennent dans la petite chariote, quoi, tu vois. Et là, et là, le vaisseau a fait demi-tour parce qu'il arrive dans l'espace. Oui, c'est vrai. Là, faut m'expliquer, quoi. C'est vrai. Je crois qu'ils revenaient comme ça. Non, mais en fait, moi, ce qui me fait marrer dans les voyages. Ils reviennent dans la chariote, hein. Ah ouais. Non mais en fait ils partent en vaisseau à toute vitesse assis dans un truc qui tremble dans tous les sens et quand ils arrivent dans le passé ils arrivent très vite en marchant à hauteur du trottoir tu vois ce qui est absolument impossible et ils reviennent pareil comme a dit Greg ils se font aspirer genre dans une espèce de truc d'abysse et après ça ils arrivent dans le vaisseau à toute vitesse tu sais mais en fait on rate juste l'étape où ils sont entre les deux mondes et ils montent dans un vaisseau quoi ouais non mais bon mais moi le truc qui me fait marrer c'est qu'à chaque fois qu'ils font un voyage dans le temps ils savent pas où ils vont tomber quoi. Bah oui, parce que sinon, ils n'iraient pas dans l'eau, hein, clairement. Oui, voilà. Ils connaissent la date, le lieu, mais pas le lieu exact. C'est-à-dire que le mec, au début du film, là, en Géorgie, en 1800, je sais pas combien, putain, si t'arrives loin des confédérés, t'es dans la merde, quoi. C'est sûr. Oh, putain, je suis à 60 bornes, t'es à pied, c'est chaud, quoi. Donc voilà, donc après, bah, ils vont se balader en 94. Hein. On sent bien 1994. Que Jean-Vendame, il a une petite idée derrière la tête, hein. Ça sent dès le début, quoi. Il va aller la voir, la seconde. Bon, il va pas le faire parce qu'il a quand même une mission. Et il se retrouve à l'usine. Il a pas le droit, en fait. Il a pas le droit. Alors, on explique bien dans le film. Disons que je vais être responsable pitch voyage dans le temps. On explique bien dans le film que tu ne peux pas croiser ton toi-même au risque de casser l'univers entier. En fait, tu peux. Parce que le premier truc que fait le méchant, c'est aller se voir lui-même pour se donner un document. Ce que tu peux pas faire. C'est te toucher. Ouais, par contre, c'est pas occuper le même espace. C'est pas possible. Ouais. Donc, Vandam, il flippe un peu. On sent que ça le titille. Bon, écoute, il va quand même faire sa mission. Donc, là, il arrive devant l'espèce d'usine où il y a une affiche qui est mise dessus. Mais tu vois, ça sent vraiment qu'elle vient d'être collée. Tu vois, elle vient d'être peinte. C'est vraiment tocard. Après, il passe la porte où il y a marqué danger de mort. La porte, elle est en bois. Tu vois, c'est un espèce. Et elle est grande ouverte sur tout. Et tu sais, la peinture, elle est toute fraîche et tout. Tu comprends pas. C'est fait vraiment décor, quoi. Et donc là, il rentre dans le machin, et bon, bah là, il y a Castagne encore, il me semble. En fait, il y a Maccombe jeune, qui est en fait actionnaire d'une entreprise qui va créer la machine à remonter le temps, en fait. C'est ça. Ouais. À l'époque, il se barre de l'entreprise, et en fait, le nouveau Maccombe va faire le voyage dans le temps pour expliquer à l'ancien Maccombe qu'il fait une connerie. Il va être très riche s'il se barre. Un peu comme dans Retour à le futur avec Biff qui se donne à lui-même l'almanach des sports. Alors, ce qui est très marrant, c'est que le Maccombe vieux arrive dans l'usine, et le Maccombe jeune met 250 ans à le reconnaître. Au bout d'un moment, il dit « Ah, mais c'est toi, tu es moi, en fait !» Alors qu'en 10 ans, ce truc a changé, c'est qu'il s'est peigné les cheveux en arrière. Et qu'il est devenu méchant aussi, parce qu'il a pas l'air si méchant, l'autre. Non, l'autre, il a pas l'air si méchant. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, le Maccombe du futur, enfin, du présent, enfin, je sais plus, je suis perdu. Oh là là, les paradoxes temporels. Et ben, il est hyper méchant avec son propre lit. Mais le méprise, quoi, tu vois. Franchement, au lieu de faire ça dans une usine trop galère et tout, il aurait pu y aller 2 heures avant, le voir tranquille dans le bureau. Bon, alors je t'explique comment ça va se passer. Je t'explique les bails, mon vieux. C'est quoi les bails avec nous là? On se rend compte que la policière est corrompue. Voilà, grosse Castagne. Attends, en fait, c'est le traître. Moi, j'ai deux trucs à dire sur la baston dans l'usine là. Ce qui me fait. Il y a des trucs qui sont marrants parce qu'ils commencent à se battre. En gros, t'as 8 petites frappes qui sont venues avec le méchant sénateur. Ouais. Et il y a Jean-Claude Van Damme qui est là, qui se bat avec eux. Et à un moment, tu vois, genre, il y a des gars qui sont. On se demande comment ils sont venus parce qu'il y a que 2 places dans la navette d'ailleurs. Ouais, mais eux, ils ont peut-être 8 places en fait. Chez les ils ont pris le grand voyageur. Ils ont le bus. Ils ont le bus. Et en gros, là, ils se battent. Et à un moment, on est dans une usine de micro-composants et par terre, T'as une clé à molette, mais genre gigantesque. Le truc pour réparer les tracteurs, tu vois. Et à un moment, pareil, pareil, il y a un des méchants, tu vois, il est en lunettes de soleil, alors qu'on est dans l'usine, il fait déjà top sombre. Ouais. Et il se met à tirer sur Jean-Claude Van Damme avec un flingue. Jean-Claude Van Damme se cache derrière des bidons d'essence. Ouais. Moi, franchement, j'aurais peut-être fait la même chose, quoi. Surtout, qu'est-ce qu'il fout là, les bidons, hein. Ah oui, et d'ailleurs, dans ce que tu dis, dans Barbara, quand on découvre que c'est une traître, ouais. Après ça, elle veut se battre avec lui. Et genre, elle commence à lui mettre deux coups. Et là, Jean-Claude Van Damme, il fait, non, mais je tape pas les femmes. Elle lui met genre une petite droite. Il fait, ok, tu l'auras voulu. Genre, il la démonte. C'était vraiment le prétexte à la petite vanne, ça, quand même. Grave. Après, il revient dans le présent. Il revient dans le présent, par un petit coup de petite navette, hein, qui marche bien, dans le sens. Le présent a changé, puisque du coup. Mais pas trop. C'est un peu changé. Ouais, voilà, en fait, il ferme la police du temps. C'est ça, hein. Ouais. Ah bon, c'est ça. Le chef qui était son meilleur pote, il le connaît plus. Mmh. Le super geek, c'est devenu un mec sérieux. Oui. Alors tu vois pas pourquoi ça aurait changé. Le mec il se branle au taf, d'un coup il est devenu sérieux. Qu'est-ce qui a changé cette ligne d'événements, quoi? Parce que ça veut dire qu'il a changé d'études, de comportement dans la vie, hein, tu vois, genre ça a aucun sens. Et surtout du coup Jean-Claude Van Damme, il prend la décision de retourner en 94 pour retrouver la nana traître qui était témoin de tout ça pour pouvoir incarcérer Macomb, en fait. Et la faire témoigner, mais sachant que le futur a changé, donc en fait ça n'a même plus d'un sens de faire ça. Et il la retrouve. Attends, parce que là c'est pareil, il y a un truc à un moment, donc il court au vaisseau pour essayer de retourner dans le passé. Et là il y a des militaires qui arrivent. Ouais. Donc qui tuent son chef là. Ouais. Et les militaires, ils se sont mis juste derrière les réacteurs. Et quand ils sont brûlés. Ouais. Les deux étaient juste derrière le réacteur de cette putain de machine. On entend 5, 4. Le truc c'est une fusée, les deux mecs se mettent juste derrière. Donc après, il retourne encore une fois dans le passé en 94 pour retrouver la flic, mais il va très vite se retrouver avec sa gonzesse et il va oublier l'autre. Dans l'hôpital. Voilà, ça c'est le moment sentimental. C'est Barbie, notre consultante sentiment. Ah. Il va chercher donc la prise de sang de Jane Doe, la policière. Pourquoi corrompue. D'ailleurs il va chercher la prise de sang de Jane Doe, quoi? Pourquoi c'est pas un médecin qui fait ça? Mais attends, tu sais bien qu'il a accès à tout. Ouais, c'est plutôt, voyons. Et il trouve la prise de sang de sa femme, qui est enceinte. Sauf que ça, moi, je m'en étais rendu compte dès la scène de cul du début. Parce qu'elle était enceinte. Elle a un truc à lui dire. C'était fortement entendu. Et que Van Damme s'en rend pas compte, quoi. Genre, j'ai un truc à te dire, c'est à la maison. Gros suspense, quand même, parce que là, on est presque à la fin du film, quoi. Il explique à sa femme le voyage dans le temps, parce qu'il va la croiser, il va lui expliquer. Et là, pareil, comme au début, sa femme, en deux secondes, elle fait « Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. » Et donc, les paradoxes, ouais, non, mais ok. C'est... Je te fais confiance, mais... hein. Et ce qui est incroyable aussi à ce moment-là, c'est que là, il croise sa femme avant. Donc, il peut lui expliquer, surtout, ne rentre pas à la maison ce soir, elle va exploser. Ouais. Mais il lui dit pas. C'est-à-dire qu'il va préférer attendre de faire une fausse embuscade avec les gars et se faire niquer. En plus, ça va pas. Alors qu'il pourrait tout faire pour déménager, pour foutre sa femme à l'abri, qu'elle revienne jamais à la maison. Non, mais c'est le pareil. Truc, mais il le fait pas, quoi. Et c'est complètement débile. Et puis, pourquoi il va pas se voir lui-même? Oui. Sachant que c'est lui-même. Bah, parce que lui, il a peur des représailles. On n'est pas encore au courant. Des représailles de. Se voir soi-même. Ouais. C'est vrai qu'il le fait. Après, encore une fois, ce qui est assez marrant, c'est qu'il va retrouver sa nana au centre commercial pile au moment et à l'endroit où il l'a rejoint au début du film. Elle ne le reconnaît pas, en fait. Elle ne reconnaît pas Jean-Claude Van Damme du futur, alors qu'il a juste un mulet en plus. 10 ans, c'est un mulet pour Jean-Claude Van Damme. Et donc il y a tout. Non, mais même lui, sans déconner. En vrai, moi, si ça m'arrive, je sais pas si je lui dis direct que je suis un mois du futur. Je lui dis non, mais voilà, c'est une nouvelle coupe. mec, ça, c'est franchement, c'est comme ça dans le futur. T'inquiète. Non, mais attends, ça fait 10 ans qu'il a pas vu sa femme et tout. En vrai, t'es le mec le plus heureux du monde. Et je pense que t'as envie de baiser, quoi. Et le mec, il est là tranquille. Non, mais tu dois être un peu ému, quoi. Lui, il lui fait juste un pitch et il fait ok, maintenant je me casse parce qu'il y a le vrai qui va arriver. Et c'est trop ridicule, quoi. Et donc là, bon, ça explique un petit peu toute la scène de la castagne. Donc, ils se retrouvent à la maison, et là, comme un con, là, il y a les deux Jean-Claude Van Damme, hein, faut bien préciser. Hein, qui ne vont pas se parler ni se voir. Non. C'est incroyable. Oui, ils se voient à un moment. Ils se voient. Il y a le jeune qui voit le vieux et qui fait et après il continue. Ouais. Alors, moi, je voudrais juste préciser cette scène parce que là, il y avait une grosse castagne. C'est la scène la plus sombre de l'histoire du cinéma. Ah ouais, on voit rien. C'est trop chiant. Mais on ne voyait rien, quoi. Ça dure 10 minutes. C'est deux nuits dans leur baraque. Alors, leur baraque est vraiment très très belle en maison de baise, mais alors en maison hantée, c'est l'enfer, tout est pété, il n'y a aucun meuble, il n'y a rien. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que, donc, comme convenu, enfin, normal, les tueurs arrivent comme dans la première scène du film. Et là, instinct de survie de la femme. Elle monte sur le toit par temps de pluie. Ah oui, potentiellement, t'as plus de chances de mourir comme ça. Oh, rationnel. Oui, c'est cool. Ça, c'est le Vandame du passé qui l'avait peut-être briefé là-dessus. Genre, si jamais il y a du danger, surtout, tu montes sur le toit. Là, tu seras en sécurité. Ouais, surtout... Et surtout, par temps d'orage, essaye de te mettre sous la l'antenne. Oh, l'antenne télé, là. Bien fort avec deux mains. Tu la serres, tu la lâches pas. Tu la lâches pas. Donc, ça, c'est bien marrant. Donc, la scène, elle est un peu chiante, hein, la scène de baston. Encore, elle est longue, ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas terrible, la scène de baston. Ouais, non, en plus, c'est un rebelote de la première. Ouais, puis il n'y a pas de grand écart. Enfin, il manque plein de choses. C'est vrai. Il n'y a pas de grosse baston, vraiment, quoi. Ouais. Non, un peu nul la baston. Et donc, bon, bah, après la scène de dénouement où il se retrouve avec McCombe. Et McCombe, en fait, Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est Alain, un c'est subterfuge. Malin. C'était assez malin. Il invente un subterfuge. Malin, malin. En fait, il fait venir l'ancien McCombe. Ouais. Pour que les deux McCombe se rencontrent et occupent le même espace. C'est ça qui. Et voilà. Et du coup, Jean-Claude Van Damme, avec un high kick qui va pousser le nouveau McCombe sur l'ancien, ils vont se toucher. Et là, ça va faire un truc c'est qu'on n'a jamais vu dans le cinéma. Ils vont devenir liquides, en fait. Ça devient des blobs. Tu sais pas, c'est produit, quoi. C'est très ouais, ça devient, ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu du gore. C'était, moi, j'ai trouvé ça moche. Mais ouais, super moche. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Là, tout rentre un petit peu dans l'ordre. Et là, moi, ça me. Là, tu te dis, ça va être bien. Donc, il revient dans c'est le la futur. Fin du film. Ouais, c'est pour ça que ça va être bien. il revient dans le futur, tout a changé. Bon, le geek est redevenu geek, donc ça fait plaisir, tu vois, tout est rentré dans l'ordre. Sa bagnole, elle est toujours merdeuse, hein, franchement. Ça va pas durer. La safrane en plastique. Par contre, attends, il y a un truc qui est marrant, c'est que Jean-Claude Van Damme revient, tout a changé. Et il est hyper étonné. Alors que le mec, c'est son boulot, dans le temps, ça avait déjà changé 40 fois, je pense, tu vois. Et là, il fait, ah bon? Ouah! Oh, comment? Tu vois, il est super surpris. Et donc là, il rentre chez lui et c'est un peu tocard parce qu'en fait, il rentre, il a une maison, sa femme est là. Bah, c'est toujours la même maison. Mais il y a son fils qui connaît pas en fait. Oui, parce que son fils, il a 10 ans. Alors déjà, je pense qu'il est trop deg parce que son fils, il est hyper moche. Et il a même pas de mulet, quoi. Mais tu sais, en gros, il a vécu 0 à 10 ans sans le connaître et là, il le découvre, il fait, oh, c'est le bad. Son fils, il est trop dégueu et ce qui me fait marrer aussi, c'est que la baraque, elle explose quand même. Elle va quand même exploser, ils vont s'enfuir de la maison, elle va quand même exploser. Ouais, la baraque, elle est à l'identique. C'est la même, elle est bleue. C'est vrai qu'elle explose quand même. Et surtout, il a aucun souvenir de ses 10 ans. Bah oui. Bah ouais, d'ailleurs, forcément, il a remplacé le Van Damme. L'autre, on sait pas où il est. Oui. L'autre, il était justement retourné dans le passé lui aussi, quoi. Ça a aucun sens. C'est ça qui est marrant, parce qu'en plus, il repart dans le passé. Enfin, au moment où il revient, tu sais, il ressort, tout le monde lui fait, salut Jean-Claude, ça va? Bah ouais, ça va. Personne lui demande ce qu'il foutait dans le passé, tu vois, genre, alors ta mission, ça s'est bien passé? Non, et là, il fait une vanne à l'autre, genre, souviens-toi de Bobby McJoe qui t'avait fait un bisou. Bon, c'est complètement nul, parce que là, c'est encore une fois, là, tout est censé avoir changé. Et donc, après, il va voir cette nana. Bon, voilà. Alors, sur la fin du film, il manquait juste une petite phrase et une petite musique, c'est « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Moi, ça m'aurait fait marrer. En même temps, s'ils sont tous aussi moches, je pense qu'un, ça suffit. Non, parce que quand vraiment la toute fin du film, la femme dit « Ouais, viens, j'ai quelque chose à te dire. Là, tu sens qu'il y a un deuxième enfant en route. Ouais. Parce qu'ils font ça que tous les 10 ans. C'est trop marrant qu'elle fasse, je divorce. Écoute, ça fait 10 ans que t'es parti dans le passé. Franchement, je me casse. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, sinon, globalement? Moi, je me suis régalé, hein, mais après, je me suis régalé, j'en attendais mieux, parce qu'au début, je me suis dit, ça va vraiment être génial, quoi. En fait, non, ça n'était pas vraiment, il y a des trucs qui sont un peu trop poussifs, il y a des trucs qui sont pas assez drôles. C'est un gros film de merde, mais c'est hyper drôle à regarder. Après, c'est dans mon souvenir, c'est quand même pas le meilleur Van Damme, hein. Ouais, c'est lequel le meilleur? C'est lequel? Non, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en as dit, moi. Moi, il y en a un qu'on fera sans doute un jour ici que j'aimerais bien faire, c'est CVD. Double Dragon, là, ou Double Team. Là. Moi, j'aimais bien celui où il s'entraînait, tu sais, où il se préparait. Bloodsport. Ouais. Bloodsport. Ouais, moi, j'aimais bien celui-là. C'est kickboxer, il s'entraîne avec le truc bourré, là. Non, il s'entraîne, tu sais, c'est la scène qui a été parodiée dans Hotshot. Oui, ça c'est Bloodsport. Ouais, c'est Bloodsport. Ouais, c'est un film qui, de toute façon, dès la première scène, tu sais que ça va être un gros film de merde. T'es pas déçu finalement. Tu sais que c'est de la merde. Donc voilà, voilà ce que nous on en a pensé. Les gens, ils en ont pensé quoi, Antoine? Tu peux nous faire un petit topo générique? Je m'en occupe. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, je suis allé sur Amazon et Allociné à la recherche de commentaires 5 étoiles du film Time Cop. T'as pas dû en trouver beaucoup, il y en a pas beaucoup. Ouais. J'ai, en tout, j'ai dû en lire 13. J'en ai mis 4 de côté. Ouais. En soi, ils sont pas très drôles, mais quand tu sais qu'ils parlent de Time Cop, c'est drôle. Alors, on a Stéphane Gloser Glossy, qui vient de Suisse. J'ai le pays. Il écrit, il titre Time Cop, le film, avec JCVD. Rien à voir avec Time Cop 2. Alors, s'il ne fallait avoir que deux films avec Jean-Claude Van Damme, c'est sans doute celui-ci. Je vous laisse le soin de choisir le deuxième. Non, merci, il pourrait pas dire juste un film et voilà ça. On a Ada Lema qui vient du Québec. En lisant son commentaire, vous allez entendre qu'elle vient du Québec. On se détend, on passe un bon moment. Ça, c'est le titre. Ouais. Naviguant à travers l'espace-temps, le récit nous livre un suspense radical avec de la baston comme il faut et des bons mots comme il faut. JCVD veut son I'll be back et, à lui et il les multiplie dans des séquences d'action pour notre plus grand bonheur. L'émotion est là aussi. Avec la peur de perdre ce que on aime. Surtout étant la cible préférée des dégénérés de service. Enfin, on a Damien T. qui dit, un film de science-fiction musclé et très spectaculaire. Van Damme nous embarque dans un époustouflant voyage dans le temps. Time Cop. Il fait voyage dans le temps, point. Time Cop. En majuscule. Genre, c'est devenu une expression, tu vois. Et enfin, un dernier commentaire très court qui m'a fait hurler de rire, de Damon Is. Un super film de science-fiction, une histoire qui tient la route à 100%. Ça fait plaisir, il a tout compris. Bon, quelqu'un le conseille ce film ou pas? Ah bah tous les jours. Ok. Ouf. Michael, ouais, ouais, ouais. Non. Bon, ben voilà, c'était 2 heures de perdu. Mais moi j'ai un avis aussi quoi, sur ce film. Ah bah oui, bah, alors vas-y, mais on a mis le générique. Trop tard, générique. Moi je le conseille à regarder avec ses enfants le dimanche. Si c'est des garçons, qu'ils ont moins de 14 ans et moins de 13 de moyenne. Il faut le regarder après Walker, après Walker Texas Ranger. Après Walker, vers 17h. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment de regarder Time Cop si vous avez 2 heures de perdu à perdre. Et voilà. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On Paris Swiss Love, c'est ça? Ouais. Paris Swiss Love. Ah, d'accord. Je ne parle pas. On va se régaler. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.